discutais avec quelqu'un sur Internet, puis on tournait en rond parce que lui, c'était tout le temps la lutte entre l'astral puis le plan mental, puis que... C'est pas réel, ces affaires-là. Ben, tu sais, c'est un peu comme la lutte entre l'instinct puis la raison, puis que c'est comme des conflits Oui. insolubles éternels. Plus tu le conceptualises, plus tu le raffines, plus tu l'intellectualises, plus tu n'es plus dans le réel, là. C'est plus simple que ça. Le conflit intérieur de l'être humain, même un enfant peut comprendre. Il sait pas c'est quoi l'astral puis le plan mental. On le vit tout, ça. Moi, j'ai tanné de ça, dans le sens que on se débat avec des chimères. Des concepts comme le plan mental puis l'astral, c'est des outils, des formes qui peuvent aider à transmettre, ça fait partie du langage, puis bon. Mais si le langage devient plus important que la réalité qu'il décrit, puis qu'on perd de vue, là, qu'il y a une différence, je veux dire, si on perd de vue entre le signifiant puis le signifié, puis on confond tout, on est fait. Ben oui. C'est de même que du monde qui finissent que l'idéologie est plus importante que la réalité, ou ce qu'ils pensent, ce qui leur fait peur, devient plus fort que la réalité. Comme un obsessif compulsif qui peut pas s'empêcher de retourner à la maison parce qu'il pense que le rond est ouvert. Il pense que le feu va prendre. Il sait que c'est pas vrai. Il y a un combat entre son angoisse d'animal angoissé qui a de l'anxiété puis sa raison. Qu'est-ce qu'il gagne? Il va revirer de bord pour aller voir si le rond est ouvert ou fermé. C'est ça qui se passe. Qu'on me dise pas le contraire parce que j'ai été un obsessif compulsif extrêmement malade. J'ai été des années de temps, j'étais tellement maniaque que c'était vraiment fou. Tous les jours, je mesurais avec un galant à mesurer d'être sûr que les meubles avaient pas bougé de la distance du mur. Fallait qu'il y ait la même distance du mur. Si j'achetais des fruits, fallait que ce soit tel nombre. J'avais plein de rituels pour évacuer de l'angoisse tout le temps, tout le temps. J'étais diagnostiqué obsessif compulsif grave. Puis Au point où c'était considéré comme invalidant. d'où ce que ça vient, ça? C'est une forme de, c'est l'être humain, il est angoissé, il y a de l'anxiété. Puis il va être porté à vouloir faire des transferts. C'est de là va venir le rituel. L'obsessif compulsif, il accomplit un rituel pour évacuer de l'angoisse. C'est lié à son existentialisme quelque part, mais c'est inconscient. C'est lié à des pulsions de vie, des pulsions de mort. L'obsessif compulsif, au fond, il est adepte d'une sorte de religion privée. Dans le sens que t'as du monde, ils vont se confesser devant la messe pour évacuer de l'angoisse. L'obsessif compulsif, lui, il va transférer un contrôle qu'il n'y a pas à l'intérieur vers l'extérieur. C'est des névroses, c'est des transferts. La minute que j'ai compris cette mécanique-là, puis que j'ai compris pourquoi j'étais de même, puis comment ça marchait, puis ça m'est arrivé d'un coup, une fulgurance. J'ai été tellement en colère de toute cette manipulation-là que je vivais, d'avoir une vie infernale. C'était infernal, là. Si on est rendu, c'est quand des idées t'obsèdent à ce point-là, c'est de la possession quelque part, c'est ça qui mène ta vie. Ben, ça a disparu d'un coup. Tellement que j'étais suivi, moi, par des neurologues, des psychiatres, des psychologues. Toute ma vie, j'ai été suivi. J'étais grave, là, comment j'étais névrosé. Il y en a pas un qui ait compris ce qui s'est passé. Il dit c'est impossible. C'est du jamais vu, inédit. D'une shot de même, comment t'étais pendant 15 ans, t'as plus aucun rien. Je dis non. Les autres, leur réponse, c'est impossible. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a compris ce qui m'est arrivé, mais ce qui m'est arrivé, c'est pas compliqué. J'ai vu ce que je voyais pas. Puis ça l'a arrêté. Mais là, présentement, au moment où on se parle, t'as plus de rituel dans ta vie. Ça fait longtemps. OK. Ça l'a arrêté, j'avais quoi, 30, début trentaine. OK. Je suis obsessif compulsif depuis 8-9 ans. De l'âge de 8-9 ans. Ça a duré Mais même plus longtemps que. t'as pas fait de rechute, Non. ouais. OK. Ben non.